爸爸，爸爸，爸爸，爸爸， 爸爸， 爸爸，t'es là？爸爸，j'ai besoin de toi，爸爸。 爸 爸，爸爸，爸 爸，j'ai besoin de toi。 爸爸，ne me quitte pas。爸爸，爸爸，爸爸。S'il te plaît, papa, papa, papa, plein de choses se sont passées, mais tu sais qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Mais on a fait des erreurs, mais tu sais que je ne peux porter dans mon cœur. C'est si difficile de conspirer à mes douleurs, surtout que je ne te souhaite que le bonheur, malgré le passé qui a fait nos malheurs, mes frères et moi qui pleurent. Tu sais, s'il te plaît, de cette imagination, de cette indignation qu'il y a dans nos cœurs. Tu sais que tu pouvais pas tout savoir, mais les fois où j'ai peur, que je pleurais, une peur qui a créé mes malheurs, tu sais, notre maman, celle avec qui tu t'es marié, pourtant celle qui était alcoolique et pourtant nous a fait du mal, de la misère, mais on peut pas la pardonner. Mais tu sais, elle nous a fait des misères. Et toi, quand tu gardes la tête fière, un jour quand tu lui as claqué la tête par terre, je me rappelle, tu t'es dit que tu dois être et que t'en as plus rien à faire. Mais papa, je sais que toi et moi on est fiers de ce qu'on est, parce que mais au fond je me dis que t'es la chair de la chair, mais au fond je me dis qu'on a vécu tous les deux la même galère. Mais toi et moi, tu sais qu'on a assumé et trimé cette putain de misère. Toi-même, papa, tu sais que tu t'es noyé dans la bière comme moi. Oh papa, si tu savais comme je t'aimais. Mais si tu pouvais savoir comme je voudrais te sauver, ou le jour où je te perdrai, je ne pourrais pas le supporter. De ce jour où tu m'as sorti de ce putain de foyer, papa, tu savais, je sais pas si t'as encore foi en moi, mais papa, dis-moi s'il te plaît, mais est-ce que moi, quand je pense que je te manque, je te crois, papa, mon immense douleur me fait mal. Et toi et moi, on boit pour oublier le mal. Je sais que tous les deux on est alcoolique, parce qu'on n'a pas le choix, mais sans toi, sans toi je suis pas moi. Mais moi je te crois et je crois en toi. Tu sais, on est la chair de ta chair. Peu importe, dans nos cœurs tu es cher. Marre de cet amour, parce que je sais que toi et moi finir un jour dans ce putain de tombeau. Car la dame en noir un jour viendra peut-être nous chercher. Plutôt que prévu, papa, à tes côtés je veux être, afin d'oublier le malheur et penser plus au bonheur de ce merde, et de se dire qu'un jour on va trouver un monde meilleur. C'est peut-être un monde où on aura le pire ou encore près de nous. S'il te plaît, et pour te dire aussi surtout merci, car on est mélancolique, de père en fils. Sache que je t'aime, papa. Plein de choses qui font que dans la main, je voudrais te la donner. Parce qu'un jour, quand on sera dans le noir, dans le jour où on sera dans ce putain de trou noir, ou bien sur chacun, chacun partira dans notre destin de se disparaître. Et on pourra apporter une couronne de fleurs. Chacun de la famille alors pourra venir se recueillir. Car personne ne comprendra chacun notre douleur, papa. T'as été si malheureux que pour moi, je ne peux être ainsi au secours de ceux qui un jour t'ont demandé un peu de l'aide, papa. Tu te rappelles, et puis depuis Pierrot, quand il nous a quittés, tu sonnes faux, papa. Mais quand tu parlais un jour de le retrouver, papa, moi aussi je parlerai de te retrouver, parce que l'avenir est à long passé. Tellement de choses, mais alors tellement de choses qui peuvent encore arriver dans, de ce putain de passé pour arriver dans l'avenir. Ce l'avenir est à long passé, papa. Papa, toi et moi, tu le sais, plein de choses à construire, papa. Plein de choses à construire.